CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alicia Lemieux fera de nous de meilleures personnes avec sa chronique éco-responsable. Xavier Méclisch sera diablement drôle avec sa chronique hebdomadaire. Hey, c'est pas tout qui écrit ça. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Requis. En ce lundi 6 novembre 2017, on est à 172 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, en Mauricie. Endurci. C'est ça? Endulcorant. Qu'est-ce que tu allais dire? Enduit quelque chose? Enduit. En direct? Enduit d'eau à cause de la pluie, en fait. Ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que ça veut dire. Il fait presque clair, hein? Ben, c'est mieux que la semaine dernière. C'est ça, on a moins l'impression d'animer à 3h du matin, mais il fait quand même noir malgré le changement d'heure. C'est sûr, parce que... Il est de bonheur. Ben, le changement d'heure va juste venir faire en sorte qu'il va faire sombre jusqu'à plus tard. Ça va redevenir noir, comme la semaine passée très bientôt, c'est ça? Ben, comme à chaque saison d'hiver, Mathieu. Je me rappelle jamais, Tania. Ah! Je vis dans le présent, moi. Oui. Comme ça. Oui, oui. Mais, tu sais, t'as pas vécu beaucoup d'hiver au Québec, Mathieu? Non, mais je suis pas si vieux que ça. Ah, OK. Je suis pas certaine. On m'a encore donné un âge plus jeune que la vraie vie. Récemment, hein? Ouais, j'ai été témoin de ce... On aime ça. De ce changement d'âge. Changement d'âge. Comme ben à chaque oui. année, je fais semblant d'avoir un an de moins. C'est ça, exactement. Au lieu d'en avoir un de plus, Mathieu régresse. Je vais être un bébé naissant. C'est ça. En tout cas, je régresse mentalement à chaque semaine. Donc aujourd'hui, à l'émission, on a plein de bonnes choses. Alicia Lemieux va être avec nous à 7h30 pour sa chronique éco-responsable. On va parler, bien sûr, de tout ce qui est environnement, tout ce qui essaie d'aider la planète un petit peu. Mm-hmm. À 7h30 avec Alicia. Ensuite, Anne... Ça va être comme ça encore cette semaine. À 9h, Xavier Méclisch va être là pour sa conique. Est-ce que ça va être Xavier? Est-ce qu'il va être pris dans le trafic encore? On sait pas. On sait pas. On sait pas. Des fois, Alpha vient le remplacer. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Aucune. Ensuite de ça, on va avoir, et là, ça fait 3 semaines, je crois, qu'on dit ça de suite. On devrait avoir Anthony Morin pour oui. parler de son projet. Mais là, on est lundi, on est en onde, donc ça devrait se passer. Ça fait longtemps qu'on a pas eu l'émission le lundi, hein? C'est vrai. C'était panne de courant. Moi qui étais malade, l'action de grâce. Exactement. Et sinon, aujourd'hui aussi, ta chronique s'en vient, bien sûr. Eh bien oui, grosse fin de semaine dans pas mal de sphères différentes. Fait que je pense qu'on va se permettre ce lundi de mettre les choses au clair pour les gens qui étaient peut-être à l'extérieur, oui. écoute, ou qui ont pas eu de nouvelles durant le week-end. Pour ceux qui ne savent pas, c'était les élections municipales hier. Oui, apparemment, donc, oui. On va bien évidemment faire le retour là-dessus. Mais sur quelques autres trucs aussi, vous allez voir, ça devrait être très intéressant. Bon, génial. Pas de petit résumé des attaques terroristes du moment? On en a-tu? J'étais pas au courant. J'étais prise dans un bureau de vote. Bref, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Ça et en plus de chronique maison, bien sûr, donc son foutu palmarès dans quelques instants. En fait, on va, étant donné qu'on commence, on est le premier lundi du mois de novembre aujourd'hui. Donc on va célébrer quelques fêtes du mois de novembre, comme on aime le faire à chaque début de mois. Mais avant ça, oui, le temps passe, oui, l'heure change, oui, mon âge régresse, et un jour, ce sera la fin du monde. Voici Philippe Braque, à Assemblage Requis. Au 89 FM. Ça me dit qu'il reste 2 minutes à la chanson, mais je pense qu'elle a terminé de jouer. Elle a oui, plus envie. Je crois que c'est terminé. Ah, les MP3. Je pensais qu'on était rendu capable d'en coller les MP3 comme faux en 2017, mais apparemment que non. Ça a l'air que non. On va revenir au CD, je pense. Non? Oui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis maintenant. Ben, c'est le moment de passer à la chronique qu'on aime faire en début d'émission pour se divertir un petit peu, commencer ça relax. Voici son foutu palmarès. Est-ce que c'est genre tout qui jouera plus ou c'est tout ça? Est-ce que c'est genre, va falloir repartir tout le kit? Peut-être. Peut-être, hein? Ça me semble être une panne du lundi normal. Ben, peut-être, parce que là, il n'y a absolument rien qui joue. Pause et on revient. Exactement. Plus d'assemblage, OK. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Where the roses fade in bloom, whisper in my lovely end. So lonesome in a tomb. The morning light was fading. There I sat and dreamed of the fire. Ah, tu vois, cette pièce matinale dans laquelle il pleut, oui, va très bien avec notre émission. C'est ça, tout comme la température normale à Trois-Rivières. Et voilà. Donc, nous revoilà. Toujours à Assemblage Requis. On est un petit pépin, mais c'est pas grave. On est rendu que tout fonctionne bien. Puis, oui. dans 10 minutes, on va avoir Alicia Lemieux, donc ça va aller encore mieux. Mais pour l'instant, c'est le moment de célébrer les fêtes du mois de novembre dans son foutu palmarès. Jusqu'à ce que quand ton ordinateur prend 15 minutes pour ouvrir ta gueule. Oui, okay. Puis je dirais que c'est probablement dû à la température peut-être, extérieure. Peut-être. Mais c'est pas grave parce qu'on a des raisons de célébrer, toi et moi. Oui. Parce que le mois de novembre vient de commencer. On est le premier lundi, en fait, du mois de novembre. Oui. Et on a plusieurs fêtes à célébrer pendant ce mois-là. D'accord. C'est cool, hein? Donc, on a manqué de justesse là, en fin de semaine, vendredi. C'était le jour des sandwichs. Ah, est-ce que tu as mangé un sandwich? Non. Non, en fait, je me rappelle pas avoir mangé de sandwich depuis les dernières semaines. Moi non plus. Jambon fromage à la Chasse-Galerie. Oui, ça c'est ça. Il fallait que, fallait que je respire en même temps qu'il y a un gros bug. John Montagu, le quatrième, donc Earl de Sandwich, est né aussi ce jour-là, donc le 13 novembre 1718. Donc c'est pour ça qu'on célèbre pendant le mois. 6 novembre. Oui. C'est la journée. Je pense qu'on serait mieux sans fond. Oui, c'est ça que je m'en allais dire, Mathieu. 6 novembre, la journée du saxophone. Un solo de sax épique rendrait hommage à cet instrument du jazz. Adolphe Sax, qui est né ce jour-là en 1814. Ensuite, le 6 novembre. C'est pas mal aujourd'hui, ça. C'est aujourd'hui. Ben, justement, je crois que notre amie Alicia Lemieux va aimer ça. C'est la journée Zero Tasking Day. Donc, c'est le jour où on a une journée de plus. Hein? Donc, on utilise ça consciemment pour faire du bien à la planète. Ah oui? On fait rien. OK. On n'achète pas. On mais on fait rien, ça veut aussi dire faire aucune tâche, là, zéro aucune tasking. Tâche. Absolument, on fait absolument rien. Fait que tout le monde, on retourne chez nous après. C'est ça. Le 15 novembre, c'est la journée de George Spelvin. OK. Qui sont ces gens-là? Ce sont des pseudonymes traditionnels utilisés dans le théâtre lorsque l'acteur ne veut pas être identifié, lorsqu'il joue plusieurs rôles ou qu'il veut encore ne pas utiliser de crédit pour d'autres raisons. Peut-être qu'il n'aime pas la... Je sais pas, il ne veut pas être associé à ça avec son nom. Donc, c'est la journée de cette personne-là, le nom fictif de George Spelvin. Le 17 novembre, la journée où on fait son pain maison. Ah, c'est une bonne chose. Ben oui. Bonne chose. Le 17 novembre, c'est la journée où on enlève nos amis de nos médias sociaux. Ah, 17 novembre, ouais, on date se prépare à retirer des gens. Dans 11 jours, mesdames, messieurs. C'est ça. Le 19 novembre, la journée d'Alas Catalo. Qu'est-ce que c'est, Alas Catalo? C'est une sorte, en fait, on dit que c'est une sorte d'animal qui n'existe pas vraiment. C'est un hybride entre un morse et un orignal, qui est une bête mythique. C'est un peu la mascotte non officielle de l'État le plus au nord des États-Unis, donc l'Alaska. Ah, d'accord. Un genre d'ours grizzly de l'Alaska, si on veut. Mélangé avec un orignal et avec un morse. 19 novembre, la journée internationale des jeux. OK. Mm-hmm. Donc, une fête où on va soit à sa bibliothèque locale ou à un magasin ou à un petit bar de jeux de société, un mauvais perdant, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus aussi. Hein? C'est très à la mode. Donc, on s'en va jouer. On joue à des puzzles, des casse-têtes, des jeux de société, n'importe quoi. Donc, une bonne occasion de se divertir. 25 novembre, c'est la journée nationale de la soie dentaire. Oh, mon Dieu. Avoir la photo de la petite fille, en plus, a l'air à bien aimer ça. Ah, vraiment? Je pense pas qu'elle le fasse correctement. Non, je pense pas non plus, mais il y a probablement de fortes chances qu'elle soit la bouche pleine de sang dans pas long. C'est ça, c'est ça. Le 29 novembre, c'est la journée du cidre, le Cider Monday. Mm-hmm. Tu connais le jeu de mots du Cyber Monday, Cider Monday. Oui. C'est un antidote à ce Cyber Monday-là. Donc, une journée qui vous encourage d'aller donc, dans des entreprises locales, faire un petit peu de magasinage et savourer un cidre qui est parfait pour l'automne. Mm-hmm. 30 novembre, la journée de la sécurité des ordinateurs. Pas super amusant, mais antivirus et autres trucs de protection de votre appareil électronique. Et le 30 novembre, c'est finalement la journée où on reste à la maison parce que tout va bien. Ah, OK, on adore ça, cette journée-là. Ouais, on n'a pas à s'en faire avec ça. Cette année, en plus, ça devrait tomber un jeudi. Ah, pour vrai. Donc, peut-être que vous allez avoir la chance de pouvoir prendre congé. On espère. On vous le souhaite, en tout cas. On espère, vraiment. Donc, voilà pour son foutu palmarès. Dans quelques instants, on l'a dit, ça va être Alicia Lemieux qui va venir nous sauver de ce périple du lundi. Tu sais, on a un adjectif pour le dimanche, c'est dominical. Lundi, c'est quoi, là? Je ne pourrais te dire, je sais pas. De pas de m'avoir. Non, je pense pas. Bref, on s'écoute une pièce du palmarès encore. Oui. Hein, pour faire la petite séparation entre les deux chroniques. Et comme on n'a absolument rien préparé, ben on va juste jouer la pièce que j'ai facile d'accès. C'est du Moyen-Âge, à l'âge moyen, comme nos ordinateurs. Voici Corridor, tout de suite, à son âge.

Mauno et Com à Assemblage Requis, c'est OM. Et puis Mauno, c'est M-A-U-N-O. J'ai été chercher la prononciation parce que ça a l'air d'être mono. Oui. C'est Mauno. Oh, d'accord. Mauno. Maintenant, voici Tania Baudouin avec Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do the... She's gonna do the... Et hein, nos voix sont désagréables. Ah, c'est... Écoute, qu'est-ce que c'est comme ça quand on utilise nos voix tous les jours. Eh oui. Comme, comme chèque de paye. C'est ça. Donc, Tania, aujourd'hui, t'as pas mal de sujets, j'imagine. Tu m'as dit, en fait, que t'allais résumer un petit peu les choses qui sont passées depuis quelques jours, quelques semaines. Oui, exactement. Donc, ça, ben, pas nécessairement dans les dernières semaines, vraiment dans les derniers jours. Ah. Parce que, bon, ça va être deux volets. Ça va être un côté plus sportif et un autre beaucoup plus municipal et électoral. Et un autre beaucoup plus intéressant. Oui, politique. Vous allez voir. En fait, c'est cette fin de semaine, on avait le droit à un combat de UFC qui était très attendu. C'était le grand retour de Georges St-Pierre dans un ring. Mm-hmm. Et non seulement, oui, on va en venir parce que, bon, je pense qu'on se doit quand même de parler un petit peu légèrement de Georges St-Pierre. Je te laisse faire tout ça. Mais on va aussi parler des autres parce que, coup de théâtre, la plupart des gens qui se sont présentés sur les cartes principales, qui étaient des combats de titre championnat, donc on avait une ceinture à gagner mm-hmm. avec ces combats-là, bien, ça l'a quand même surpris beaucoup de gens parce que, bon, la plupart ont perdu leur championnat ben avec voyons, ça. Comment est-ce qu'ils vont s'habiller? Ils n'ont pas de ceinture, rien. J'imagine qu'il y a un tournoi, un championnat pour tout le temps, genre des bas, des souliers. Non, c'est vraiment juste la ceinture, Mathieu, ah. comme à la boxe, ah. OK? Donc, si on commence, par exemple, du premier combat qu'il y en a... Je pourrais dire qu'il y en a quand même surpris beaucoup. C'était Cody Garbrandt et TJ Dillashaw. On sait que TJ Dillashaw a déjà eu la médaille. Il l'avait perdue aux mains de, justement, Cody Garbrandt. Ces deux gars qui se sont déjà entraînés ensemble. Donc, on s'attendait à un combat qui allait être quand même assez égal parce que c'est, bon, c'est deux anciens coéquipiers. Donc, ils sont habitués de se battre l'un contre l'autre. Ils sont habitués de connaître aussi les forces et les faiblesses de l'autre. Et c'est un autre champion qui a été détrôné parce que bon, c'est justement Cody Garbrandt qui a perdu sa ceinture de champion. Et ça, quand tu la perds, là, tu sais, faut-tu que tu la fasses remplacer, t'appelles chez... Non, Mathieu, faut que tu la regagnes par la suite. Okay. Donc, TJ Dillashaw a soutiré, en fait, le titre des poids coqs du UFC avec un KO qui était technique en deuxième round. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que, bon, au UFC, t'as le droit à 5 rounds dans les cartes principales. Et là, la plupart des combats où on a perdu notre ceinture, ça s'est fait super rapidement. Donc, que ce soit au premier round, au deuxième ou encore au troisième. Fait que là, genre, tu payes comme 175$ pour un événement pay-per-view? Ben, c'était pas 175$, là, c'était 60$ pour... C'est cher quand même pour voir quelqu'un gagner en dedans de... Oui, mais c'est vraiment... ça dépend à quel point t'aimes le UFC. En fait, c'est la même chose du côté des combats de boxe. Ça va avec la passion. Ça va aussi avec l'événement. Mm-hmm. On s'entend que le retour de Georges St-Pierre après 4 ans, les gens sont curieux de savoir comment ça va se passer. Il y a tout cet engouement-là aussi au côté médiatique qui rentre un peu en ligne de compte. Mais justement, avant le combat, Garbrandt était invaincu. Il y avait une fiche de 11 victoires consécutive contre 0 défaite. Et Dillashaw et Garbrandt, on l'a dit tout à l'heure, ils ont déjà été coéquipiers. Donc, on dirait que Dillashaw savait déjà par où s'y prendre pour peut-être justement remporter cette victoire sur Garbrandt. Chose qu'il a fait. À 31 ans, il a surpris son rival d'un seul coup. Et je vous dirais qu'au deuxième round, parce que ça s'est passé au deuxième, mais au premier, Garbrandt avait un petit peu l'avantage. Et là, on est revenu au deuxième round. On dirait que c'est quelque chose... Il a mis le sac de glace dessus. On s'est dit, OK, ça l'a vraiment... ça l'a boosté. Ça l'a réveillé, surtout. Et on est allé dans le ring pour le deuxième round. Et là, ça s'est passé extrêmement rapidement. Donc, si je me souviens bien, c'est un coup de poing de la droite et non pas de la gauche. On a tout simplement réussi à rendre KO Garbrandt. On est tombé au sol. Par la suite, on a continué, bien évidemment, parce que, bon, c'est de l'ultimate fight. Donc, on continue tant aussi longtemps que l'autre personne soit ne tapera pas ou... soit l'arbitre ne nous arrêtera pas, considérant le fait que bon, notre adversaire peut tout simplement ne pas vouloir taper. Il peut abandonner? Il peut abandonner par lui-même en donnant une tape à l'autre. Ça donne la victoire automatique. Okay. Et sinon, c'est l'arbitre où justement, ça va être un technique KO, technical knockout, où justement l'arbitre va prendre la décision d'arrêter le combat. Ça va faire, c'est assez violent, ça va faire assez mal? Pas nécessairement c'est assez violent, mais on voit que l'autre n'est pas en mesure de pouvoir arrêter le combat ou n'est plus en mesure de pouvoir se défendre. Ouais. Donc, il perd en fait tous ses moyens. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Garbrandt et Dillashaw. Donc, Dillashaw a remporté la médaille poids coq. Et c'était surprenant, je vous le dirais, parce que la plupart du monde avait justement misé sur Garbrandt. On avait 11 victoires consécutives. Mm-hmm. C'est énorme. 0 défaite. Dillashaw avait quelques défaites à son actif. Beaucoup de victoires aussi. Mais bon, ces deux gars qui saillissent, là, même à l'extérieur du ring. Et parfois, tu dis, bon, deux gars comme ça à la boxe ou peu importe, même à la lutte, ça va saillir à l'intérieur de l'arène. Mais un coup, quand on est à l'extérieur, on va avoir beaucoup de respect l'un contre l'autre. Eux, ils stagent des memes là, sur Facebook, là, puis c'est violent. Justement, tu sais, comme je le disais, on le sait que ces deux anciens coéquipiers, on dirait qu'il y a comme déjà eu peut-être de la bisbille à ce niveau-là. Et ça s'est démontré, en fait, dans l'arène. On savait que, bon, les deux avaient tout à gagner dans ce combat-là. Et c'est Garbrandt qui en est sorti, malheureusement, bien perdant. Ben oui. Quand tu parles de poids coq là, versus poids plume, là, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd? Le coq, bien, c'est poids plume, c'est léger. Ouais. T'as les poids paille aussi, qui est surtout poids au niveau paille. Des filles. C'est là que je m'en vais, mais ça, c'est encore plus léger. Poids coq, c'est avant mi-lourd, semi-lourd. On n'a pas réussi à trouver quelque chose qui était mi-lourd pour l'illustrer. Non, c'est coq ça. Pie, mais Milo, non. C'est ça, exactement. C'est comme chocolat mi-sucré. Exactement. C'est une moitié. Ouais. C'est une demi-douzaine. C'est ça. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et du côté féminin, cette fois, parce qu'on avait le droit à un combat quand même qui était enlevant du côté des filles, c'était Rose Namajunas contre Joanna Champ, qu'on l'appelle Champ parce que je vais vous dire que je ne dirai pas son nom de famille. Et vraiment pourquoi? Tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable? Elle est polonaise, premièrement. Il y a plus de. De syllabes et de consonnes. De consonnes que de syllabes, honnêtement. Et même au niveau du UFC, les animateurs l'appellent Joanna Champ parce que, bon, le nom de famille est quand même assez difficile à dire, à prononcer. Donc, c'était elle qui était championne en titre. On avait le plus grand nombre de victoires pour la Polonaise. On était invaincus aussi avec 14 victoires, 0 défaite. Et ce qui était surprenant quand même dans ce combat-là, c'est qu'on est arrivé sur le ring en se disant « Je veux terminer ma carrière en étant invaincue. » Donc, on voulait conserver cette ceinture-là. On avait une confiance assez extrême. Et je vous dirais qu'on était peut-être même arrogant à ce niveau-là. Et c'est un petit peu ce qui a été remontré, en fait, après le gala, comme chaque champion qui ont perdu leur ceinture ce soir-là. On dirait que, bon, ça l'a fait la différence. Et Rose Namajunas, ben, c'est une combattante de 25 ans. On arrive quand une fille de 30 ans. On a eu une première défaite à la Polonaise qui était championne. Un KO en dedans de 3 minutes. Au premier round, Rose Namajunas, c'est la nouvelle championne poids-paille. Je l'avais déjà vue se battre. C'est une fille, c'est une guerrière. Ouais. Sauf que Joanna Czempe, on la désigne comme une assassine. Tu sais, ça veut dire qu'elle rentre dans le ring automatiquement. Elle sait où frapper. Elle sait où ça va faire mal sur toutes ses adversaires. Et là, c'est la première fois qu'on la voyait se battre contre justement Rose Namajunas. Et Rose Namajunas, bien, c'est une fille qui est excellente au sol. C'est un petit peu l'avantage qu'elle a eu. On a réussi à amener la championne au sol. Ça s'est fait d'un coup de poing, en fait, la Polonaise est tombée. Par la suite, on a continué à frapper. Et là, encore une fois, c'est knock-out par décision de l'arbitre. Ouais. Donc, on a tout simplement vu que Joanna Czempe était incapable de pouvoir poursuivre. On n'avait plus de possibilité de pouvoir se défendre. On a aussi tapé du côté de la Polonaise, chose que je m'attendais pas. Okay. Ça abandonne pas facilement. Ben, tu te fais connaître comme une fille qui est assassine, comme une fille qui veut absolument tout gagner. Laisse faire, tu peux gagner. Ouais. Ben, premier round, tu tapes à terre, mais je dois dire que Rose Namajunas tapait, là. Ouais. Pas tapait sur l'autre, mais tapait pour avoir la victoire. Donc, il y avait de fortes chances que Joanna Czempe, si ne tapait pas, elle allait avoir un technical knockout. C'est ça. Quand tu parles de ça s'est gagné par un coup de poing, est-ce qu'il y a d'autres façons de gagner? Parce que est-ce que tu peux pas frapper avec tes pieds? Oui, tu peux frapper. Tes genoux, tes coudes? Oui, tu peux frapper avec tout, en fait, Ultimate Fighting. Ta tête? Et non, t'as pas le droit de coup de tête, par contre. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Québécois, Georges Saint-Pierre. Ah. C'est le premier. On n'a pas eu de technical knockout. On a eu victoire par soumission à ce niveau-là. On se battait contre l'anglais Michael Bisping, qui lui aussi était extrêmement confiant, extrêmement arrogant. Je te dirais que les paris étaient vraiment là 50-50. Les gens n'étaient pas certains si Georges Saint-Pierre, après 4 ans, dans une nouvelle tranche de poids, allait être capable de justement se battre comme on l'a déjà vu se battre. C'est quoi sa tranche? Est plus lourd, plus léger? On montait d'une catégorie en termes de poids. C'est sûr qu'après 4 ans, Georges Saint-Pierre a gagné de la masse musculaire. On a quand même continué à s'entraîner, mais tu sais, beaucoup moins, tu te bats moins. Ben t'as oui. déjà deux ceintures dans deux catégories différentes. Ta garde-robe est faite. Exactement. J'ai quasiment le goût de dire, t'as plus rien à prouver, tu sais, t'es déjà les deux ceintures. Fait que Georges Saint-Pierre est arrivé sur le ring, peut-être un petit peu anxieux, peut-être un petit peu nerveux, ça se voyait aussi à ce niveau-là, mais avec une sérénité que Michael Bisping avait pas l'air d'avoir. Michael Bisping est rentré sur l'arène vraiment très confiant, peut-être trop confiant. On voulait tout simplement défaire le grand Georges Saint-Pierre. Mm-hmm. Ça se passait du côté du Madison Square Garden. Oh, quand même, hein. Aux États-Unis. Là, on parle d'un Anglais qui n'est pas américain, mais qui vient vraiment de la Grande-Bretagne, contre un Canadien, et le Madison Square Garden criait au grand complet GSP. Ah ouais. C'était incroyable. Je m'excuse encore une fois à ma mère de l'avoir réveillée en criant comme ça. Donc, les amateurs d'Ultimate Fighting qui ont déjà vu Georges Saint-Pierre se battre ont eu droit à une excellente soirée de combat à ce niveau-là, surtout pour le combat GSP Michael Bisping. Et dès le début de ce combat-là, on a vu que Georges Saint-Pierre voulait prendre les devants et on voulait aussi prendre avantage sur Michael Bisping. Michael Bisping, c'est un gars qui est capable de frapper extrêmement fort. C'est un gars qui a une très bonne portée au niveau de ses coups. Mais Georges Saint-Pierre a une technicalité que très peu ont. On dirait qu'il y a un périphérique incroyable. Il est capable de réaliser où Michael Bisping va frapper. Fait que lui, on peut dire qu'il l'a vu venir, le Bisping. Je te dirais, il l'a vu venir, mais pas tout de suite. Parce que, à un certain moment, Georges Saint-Pierre a réussi à amener Michael Bisping au sol. Et là, Michael Bisping, on se disait, Georges Saint-Pierre va avoir avantage. Mais Michael Bisping, une des forces qu'il a, c'est qu'il est très capable de se défendre au sol. Il est capable de, rester en dessous, mais d'encaisser les coups et d'en donner aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu peur, en fait, un petit peu pour Georges Saint-Pierre. Parce que Michael Bisping a réussi à justement frapper Georges Saint-Pierre au bon endroit. Ça lui a fait mal. On a ressenti aussi cette douleur-là au niveau de Georges Saint-Pierre. Alors là, on a eu une petite frayeur pour tous les Canadiens de ce monde qui voulaient voir la victoire de Georges Saint-Pierre. On s'est rendu au troisième round, en fait, de ce combat-là. Et au troisième round, Georges Saint-Pierre est revenu en force. Je veux pas dire fatigué, mais dans le deuxième round, on le sentait un petit peu plus fatigué, ouais, justement à cause du coup qu'il avait reçu. Est-ce qu'il y a une pause quelque part là-dedans? Oui, exactement. Okay. Entre le premier round, le deuxième, et on n'a pas eu besoin d'une pause au troisième round, mais ça aurait pu se rendre au cinquième round, et c'est ça qu'on avait peur. Parce que, bon, un changement de catégorie de poids, on manque de poids pour Georges Saint-Pierre, le poids qu'on a pris aurait pu devenir une faiblesse, en fait. On aurait pu devenir fatigué beaucoup plus rapidement. Mais on est revenu au troisième round avec une surdose d'énergie du côté du Canadien et il est devenu un des rares combattants à pouvoir justement mettre quelqu'un knock-out par soumission. Il a réussi à amener Michael Bisping au sol de façon incroyable. Et on le sait, Georges Saint-Pierre, c'est un gars qui a fait des arts martiaux de tout genre. Et l'avantage qu'il a eu au sol, c'est vraiment ce qui lui a donné la victoire. Soumission incroyable, donc on a tout simplement étranglé Michael Bisping. Michael Bisping a été incapable de taper par lui-même. On est aussi un petit peu, comme je le disais, arrogant à ce niveau-là, donc on n'a pas voulu taper. C'est vraiment l'arbitre qui a arrêté le tout, mais la victoire de Georges Saint-Pierre au Madison Square Garden, de voir autant de monde crier et acclamer son nom, c'était quelque chose de fou un petit peu. Et je te dirais que, bon, justement, en début de combat, on n'était pas certain comment ça allait se passer entre Bisping puis Saint-Pierre. Puis je pense qu'on a réussi à démontrer pour Georges Saint-Pierre que malgré 4 ans à avoir aucun combat, on a manqué quand même 1450 combats de Georges Saint-Pierre dans les 4 dernières années. Mais il a réussi à démontrer qu'il était encore là. Il est parti bien évidemment avec le titre de champion dans une troisième catégorie. C'est incroyable. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce qu'il va continuer de se battre ou est-ce que ça... C'est la question que tout le monde se pose. Il a pas annoncé qu'il repartait. Donc je crois que on va pouvoir voir quelques autres combats de Georges Saint-Pierre dans l'UFC encore pour un petit temps. On se rappelle que Georges Saint-Pierre n'avait pas décidé de prendre une pause ou de prendre sa retraite. Il avait décidé de prendre une pause considérant tout ce qui se passait dans sa vie. La pression au UFC quand Georges Saint-Pierre est parti, c'était pas la même qu'on voit aujourd'hui. Le UFC était différent aussi. C'était beaucoup plus difficile de pouvoir percer de façon incroyable. Au UFC, Georges Saint-Pierre avait été un des rares à le faire. Et là, de le voir revenir après 4 ans, écoute, ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça valait le 60$ du combat pour ça. T'as payé ça? Oui. Mais on était 3 quand même à payer le combat. C'était pas si pire. Mais c'était incroyable. Je sais pas de mots. J'imagine quelqu'un du UFC passer d'une catégorie de poids à une autre jusqu'à temps qu'il se rende au poids KFC. C'est juste genre, il mange du poulet de la sauce. Je pense pas. Non? Mais je te dirais que peut-être que ça allait être un avantage aussi pour Georges Saint-Pierre. C'est que la masse musculaire, oui, on l'a gagné, mais je pense qu'on l'a travaillé différemment que Michael Bisping. On était beaucoup plus shapé. On avait l'air beaucoup plus en forme du côté de Georges Saint-Pierre que Michael Bisping. Et les deux gars avaient fait le poids. On s'attendait quand même à un combat qui allait être difficile. Et je vous dirais que ça n'a pas été si difficile que ça. Je veux pas dire que ça n'a pas été difficile parce que, bon, Georges Saint-Pierre l'a dit lui-même, il m'a fait mal au deuxième round. Ça aurait pu mal virer. Mais le fait qu'il est revenu au troisième round avec une explosion incroyable... On aime ça, un revirement de situation comme ça, c'est ce qu'on veut voir. Revirement de situation, là, est-ce que c'est un match que tu vas retenir longtemps, ça? Tu vas t'en souvenir? Oui, je tiens à remercier aussi mon ami Cynthia qui me l'a envoyé en entièreté pour que je puisse le revoir et le revoir et le revoir. Après avoir payé pour lui. Et crier aussi, parce que, bon, comme je le disais, je suis désolée, maman, de t'avoir réveillée à 1h du matin en criant comme ça. Mais c'était tellement une belle victoire. On voulait voir notre Québécois revenir en force. Et c'est chose qu'il a réussi à faire. Bravo! Donc, c'est ce qui conclut un petit peu la portion sport. Mm-hmm. On le sait, hier, c'était élection municipale dans la grande majorité, pas mal partout au Québec. Ou qu'on pensait que ça allait virer autrement, ça. Ou qu'on pensait que ça allait virer autrement. T'as bien raison, Mathieu. Bien évidemment, ici à Trois-Rivières, au niveau du poste de maire, c'est Yves Lévesque qui a réussi à revenir pour un cinquième mandat. En théorie, ça devrait être son dernier parce que si je me souviens bien, t'as pas le droit de passer à plus de 5 mandats. Ah. Donc, on a été élu avec 51,7% des votes. C'est une avance de 3570 votes. C'est pas énorme. Non. Jean-François Aubin a quand même sorti avec 22753, donc 44,7% des votes. Mais je te dirais que bon, on avait une possibilité de 107 437 électeurs qui étaient inscrits et les bulletins valides ont été seulement 50 880. Wow. Donc, sur le nombre d'électeurs inscrits... Même pas le tiers, c'est ça? Ben, même pas la moitié. Sur 107 000, OK. Oui, exactement. Okay. Je me rappelais 170 000, excuse-moi. C'est ça, on dirait que j'ai comme pas de mots. Ça veut dire que la plupart l'ont peut-être annulé. Ben, c'est ça. Et on s'entend que, littéralement, je suis parti chez moi à pied aller voter. Oui. Et je suis revenu en 20 minutes le total. Oui, exactement. C'était vraiment pas long. C'était rapide. Très rapide. C'est sûr que ça dépend du district où vous avez été. Oui, et de l'heure. Ben, exactement. Tu vas pas là à 7 heures. Non, exact. Pas sur l'heure du souper, ils sont en train de manger leur salade au bureau de vote. C'était merveilleux. Je dois dire que c'est un beau moment de souper devant tout le monde. Pensez-y. Mais on a eu quand même, si on regarde ça comme ça, des bons pourcentages de votes dans les district. Donc, bon, c'est sûr qu'on joue entre 27 % à 47 % des électeurs, simplement pour la journée d'hier. Ouais. Il y a aussi le pourcentage du côté de l'anticipation qu'on doit calculer. Et si je me souviens bien, ça joue aux alentours de 10 %. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être la moitié des trifluviens qui ont voté, que ce soit par anticipation ou que ce soit hier aux élections officielles. Chose qui est... C'est comme le goût de dire pas pire. Pas pire. Ah, OK. C'est-à-dire que tu t'attendais à encore moins que ça. C'est ça, exactement. Parce que les gens sont vraiment paresseux. C'est ça? Ben, les gens sont paresseux. Ça l'entend pas, il pleut. C'est ça, exactement. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire hier au bureau de vote, ouais, il fait pas beau. Ouais, pis. T'es en dedans, là. T'attends en dedans, tu sais, je veux dire. Sérieusement. Au pire, attends dans ton char puis vois que la ligne rapetisse. C'est ça. Je sais pas. Puis, en tout cas, je sais pas pour les. Tu parles, ça dépend du district, là, mais moi, c'était quand même oui. À la bâtisse industrielle. C'était énorme, là. Oui, exactement. Ben oui, c'est vrai. Y a pas un chat. Ah oui, tant que ça. C'était vide vers les 4h de l'après-midi, 4h30 environ. Exact. Qui devrait être une méchante bonne heure pour aller voter. Là. Ben oui, tout à fait. Puis on avait plusieurs districts aussi. Donc, plusieurs conseillers. Il y en a qui sont sortis très, très fort comparativement à d'autres. C'est sûr, ce sont des élections. Ça fonctionne bien évidemment aussi avec la campagne que les gens ont menée. Du moins, les gens disent que, bon, André Bertrand était là pour diviser les votes. On l'a entendu dire avant les élections. Je ne sais pas si ça l'a fait une grande différence, honnêtement. Je pense que Jean-François Aubin est sorti très, très fort, pareil. Yves Lévesque est sorti extrêmement fort avec la majorité des votes. Est-ce que tu as les chiffres devant toi? Ben, tout à l'heure, j'ai dit 51 points. Non, je veux dire, combien de votes a eu M. André Bertrand? Non, je l'ai perdu. Ah, parce que si tu regardes, là, ça doit pas être l'équivalent de la différence entre Yves Lévesque et... Non, c'est ça, parce qu'on se rappelle que, bon, peut-être que la moitié ont annulé leur vote déjà. C'est ça. Fait que ça, tu sais, je veux pas dire que... Je crois pas que ça ait fait une immense différence de ce côté-là. Ça aurait pu en faire une, mais ça en a sûrement pas fait. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que pour vrai, en tant que citoyen du monde, genre, tu dois payer tes taxes, puis tu dois aller voter. Oui, c'est ça. C'est ton devoir de citoyen. Pas grand-chose d'autre à faire. Puis, je dois dire aussi que du côté des élections municipales, parce que, bon, comme on le dit, c'est à la grandeur du Québec, les annonces qui ont eu lieu à la télévision, je crois que ça l'a porté fruit. J'ai pas vu, raconte-moi donc. Bien, t'avais certaines publicités qui étaient du style, le 5 novembre prochain, à aller voter, parce que si vous faites pas votre devoir, peut-être que, bon, les conseillers ou peu importe vont pas faire leur devoir non plus. Ben oui. Et bien évidemment, bon, à un certain moment, par exemple, on voyait des gens jouer au hockey dans un aréna et la moitié de la glace était enlevée. Bon. Donc, c'était la moitié du travail qui était fait. Je pense que ces publicités-là, ça l'a porté fruit. Je crois que... La glissade aussi, avec un petit enfant qui exactement. Dans les dernières années, on n'avait pas nécessairement de publicité visuelle, télévisuelle pour aller voter au municipal. Donc, je crois que ça l'a fait un petit changement de ce côté-là. On s'en est fait parler, d'ailleurs, dans les bureaux de vote, des publicités télé. Ouais. Donc, je pense que ça l'a amené peut-être un engouement au niveau des gens d'aller voter. Et tu peux faire ce concept-là pendant des décennies. Pour vrai, tu peux les tirer pendant un bon bout de temps. Tellement. Il y a plein d'autres idées là-dessus. Continue dans le même sens. Tout à fait. Je vais parler pour le district où moi j'étais. Lequel? C'était celui de Châteaudun. Okay. On n'a pas eu un nombre élevé de jeunes électeurs. C'est probablement à cause que le district est un petit peu plus vieux déjà en termes de résidents. Je suis curieuse de voir si les jeunes à Trois-Rivières ont voté beaucoup. C'est sûr qu'on a des quartiers qui sont déjà à la base beaucoup plus jeunes, donc aux alentours de l'UQTR, aux alentours du Cégep. J'aimerais ça voir les chiffres en termes de tranches d'âge dans les prochains jours. Si j'avais été... s'il y avait eu du monde quand j'allais voter dans le district du Caramel... Du Caramel. Je te l'aurais dit, mais il n'y avait personne. Mais c'est ça, exactement. Les jeunes étaient là pour prendre les votes. C'est ça. Je pense que j'ai croisé deux personnes. Mais tu sais, ça serait le fun de justement, comme je l'ai dit, voir un petit peu ces chiffres-là dans les prochains jours. Juste faire la différence dans les tranches d'âge. C'est sûr qu'on le sait, Trois-Rivières, c'est déjà en partant une population qui est un petit peu plus vieillissante. Mais je dois dire que je suis restée surprise quand même du nombre de personnes qu'il y avait dans les bureaux de vote. Mm-hmm. À certains moments, on avait de bonnes files qui attendaient. Ça veut dire que les gens veulent voter, les gens veulent se faire entendre. Et c'est un petit peu, comme on le disait, c'est le devoir de citoyen. Ben oui, si tu veux chialer, va au moins voter. Tu sais, puis arrête de trouver des excuses, tu sais. Ben, tu sais. C'est facile de trouver des excuses. Ben oui, exactement. Moi, si je trouvais ça plate, là, bon, OK, je viens de faire mon lavage, il faut que j'aille voter, bleu. Mm-hmm. Ouais, c'est 5 minutes, c'est fait. Oui, exactement. Comme on disait tout à l'heure, bien, Jean-François Aubin est quand même s'est installé dans les premiers résultats. On a eu de gros résultats quand même pour Jean-François Aubin. Donc, ça l'a joué serré entre le maire Lévesque. Ça l'a joué serré aussi entre Jean-François Aubin. On va pouvoir voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi, comment ça va jouer tout ça. Est-ce que tu penses que lorsque le mandat va être terminé pour M. Lévesque, est-ce que M. Aubin va essayer de se représenter, peut-être? Certaines personnes disent que oui. Certaines personnes disent que, bon, Jean-François Aubin va devoir attendre 4 ans pour être au pouvoir. Mais je crois que oui, ça pourrait être quelqu'un qu'on va revoir. Il y a quand même eu un fort haut de vote de son côté. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement perdu. On n'a pas perdu la face avec un nombre incroyable. Ça l'a pas terminé 75-25. Même quand, en début 25. De soirée, il menait, puis c'était wow, cool. Exactement, c'est ça. T'sais, on a mené quand même pendant une bonne partie de la journée. Donc, j'ai quand même l'impression que ça va avoir peut-être aussi un petit peu d'effet sur le prochain mandat de M. Lévesque. Mm-hmm. On va devoir écouter les gens. Et comme il y a une bonne partie des gens qui ont voté pour M. Aubin, on va peut-être devoir faire quelques changements à ce niveau-là comparativement à ce qu'on a vu. Et ce qui a été la grande surprise des élections municipales, c'est la défaite de Denis Coderre au niveau de Montréal, qui a été battue par la première mairesse Valérie Plante. Et si vous êtes inconnue de Valérie Plante ou si elle vous est inconnue et si vous ne saviez pas qui elle était avant hier soir, eh bien, j'ai quelques petits faits pour vous, 10 choses à savoir sur celle qui a justement défait Denis Coderre. C'est gros, réussir à défaire Denis Coderre, c'est quand même... C'est quand même assez énorme. Donc, elle est originaire de Rouyn-Noranda. À 15 ans, elle a passé un an à North Bay en Ontario dans le but d'apprendre l'anglais. Par la suite, elle a quitté son Abitibi natal à l'âge de 19 ans. On est venu s'installer à Montréal. On a poursuivi nos études à Montréal. Elle détient un baccalauréat en anthropologie, une maîtrise en muséologie et un certificat en intervention multiethnique. On a travaillé par la suite pour plusieurs organismes communautaires. On a dirigé pendant plusieurs années la Fondation Filles d'Action, qui est un organisme pan-canadien qui vient en aide aux filles et aux jeunes femmes. En 2013, on s'est présenté en politique sous la bannière de Projet Montréal, qui était alors dirigé par Richard Bergeron à ce moment-là. Et on a créé toute une onde de choc en battant la politicienne d'expérience Louise Harel dans le district de Sainte-Marie à Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Et le 4 décembre 2016, on a eu une chaude lutte avec Guillaume Lavoie. Elle a été élue chef du parti du Projet Montréal par 79 voix d'avance. Et le projet d'ajouter une autre ligne de métro, la fameuse ligne rose dont on entend parler depuis les dernières semaines, ça représente le point fort de sa campagne. C'est une nouvelle ligne qui compterait 29 stations et qui relierait Montréal-Nord à La Chine, donc c'est quand même une bonne ligne de métro. Et Valérie Plante est mariée à Pierre-Antoine Harvey, qui est un économiste de gauche de la CSQ et de l'IRIS. Et la femme a 43 ans et 2 enfants. Donc, si vous la connaissiez pas, maintenant, vous savez petit peu plus qui elle est. Elle est la nouvelle mairesse de Montréal. Ça devrait faire quand même jaser beaucoup encore dans les prochains jours, dans prochaines heures, probablement dans les prochaines semaines. Mais je dois quand même saluer le respect qu'a eu Denis Coderre populaire hier en annonçant sa défaite du côté de son parti. On a quand même félicité Valérie Plante. On est resté respectueux à ce moment-là. On a aussi dit quel a été nos côtés négatifs de notre campagne parce que, rappelons-le, Denis Coderre s'est dit à la base pas avoir de campagne. C'est peut-être ce qui a joué contre lui. Il y a certaines informations qui sont sorties dans les derniers jours qui, clairement, lui ont fait mal au niveau des votes. Donc, tout ce qui entourait la formule électrique, tous les petits secrets à ce niveau-là qui sont sortis dans les derniers jours, je pense que ça a été quand même un enjeu qui a fait que Valérie Plante est sortie forte et Mme Plante est sortie dans les rues. Donc, on a eu une très forte campagne comparativement à Denis Coderre, chose qui a justement fait jaser. C'est encore de l'arrogance de penser que tu vas gagner de toute façon. Mais non, c'est ça, exactement. Mais je pense que Denis Coderre, hier, dans son discours, était quand même résilient. Il s'est retiré de la vie politique municipale, mais il dit qu'il va essayer de... Il va faire les choses adéquatement pour que, justement, le passage de Denis Coderre à Valérie Plante se fasse sans qu'il y ait de crack, sans qu'il y ait de dossier qui tombe entre deux... De coussins. De dalles d'asphalte, je c'est sais ça, exactement, on va dire ça comme ça. Et bon, on le sait, Montréal, c'est probablement la ville qui a peut-être le besoin le plus d'aide, parfois. Et ça va peut-être faire du bien de voir un peut-être. Autre visage est-ce à la mairie de Montréal. Est-ce que tu penses que, vu que c'est une politicienne, les gens vont se mettre à l'haïr quand même? Vu que c'est une politicienne, il faut que tu haïsses les politiciens. Je pense pas. Non? Je sais pas. Écoute, on est sorti quand même forte. Ouais. On est sorti avec un bon avantage comparativement à M. Coderre. Je pense qu'elle a juste bien fait sa campagne, elle a juste fait valoir ses points. On l'a vu beaucoup dans les journaux, dans les médias, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Ouais. T'as dit que ça a changé depuis son l'homme de la situation. Exactement. Elle s'est fait voir à son meilleur. Elle s'est fait voir avec des bons projets. Elle a une équipe quand même qui semble solide autour d'elle aussi. Donc, on va tout simplement voir comment ça va se passer comme transition entre Denis Coderre et Valérie Plante. On le sait, on est habitué quand même de voir Denis Coderre très, très actif dans les médias, très accessible aussi. Est-ce qu'on va être autant accessible du nouveau Valérie Plante? Je sais pas encore. Ça va être à voir. Elle semble pas fermée à l'idée de tout simplement dire ce qu'elle a à dire, être transparente. Et c'est chose que la Ville de Montréal a toujours voulu. Ouais. Donc, à on suivre. On leur souhaite bonne chance. Exactement. Là-dedans. Voilà. Et merci beaucoup, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Des vrais sujets. Ben oui. On aime ça. On adore ça. Tiens, bon, on a parlé de Valérie, on a parlé de Denis, on n'a pas parlé de Manon puis de Chantal, ben mais non. On écoute Dilarama avec la pièce Chantal tout de suite à Assemblage Requis sur C'est fou. C'est comme ça, dans un monde idéal, je serais plus qu'un ami pour toi, Chantal. Je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Dans mon cœur, pas trop fort. seulement tu savais ce que je donnerais. Écoute-moi s'il te plaît. Quand mon cœur, pas trop froid. Lorsque j'ai les idées noires, seulement tu savais. Appelle-moi encore au chandail si tu savais. Tout ce qui brille de l'or au chandail si tu savais. Au chandail si tu savais. Au chandail si tu savais. Dilaram, ça sonne un petit peu Peter Peter, je trouve, comme son. La pièce Chantal. En effet. On prend une pause au retour à Assemblage Requis. On continue ça avec les instructions d'assemblage. Merci là. Assemblage pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis en ce lundi 6 novembre 2017, et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Je l'ai dit dans quelques instants, ça va être les instructions d'assemblage. On va apprendre comment mieux vivre ensemble. Mais avant ça, on s'écoute une pièce de Sleazy. Ouh! Voici Rave Mélancolie. C'est pas la ouest, c'est dans le fun, puis je vous aime tous. ouais, ça me fait serrer les dents. J'aime la musique, ouais, je danse avec mes tourments. Mon cœur est lourd au rêve mélancolique. Et toi, t'as l'air d'un junkie. On a aujourd'hui à choisir des pièces très, très pluvieuses. Ça va avec la température extérieure. C'est l'humeur qu'on a, ça sonne pluie, cette pièce-là. C'est ça. En tout cas, je sais pas. Donc, toujours à Assemblage Requis sur cette pièce de Sleazy qui s'appelle Rave Melancholy. Mm-hmm. Et c'est là-dessus qu'on va commencer notre prochain segment en parlant de choses qui vont nous aider à peut-être passer une meilleure journée. Hein? Mm-hmm. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Ah, là, si ça marche pas, c'est parce que t'as un problème et t'écoutes pas comme faux, hein? Ça doit être ça! Les instructions d'assemblage, donc, où on se donne quelques conseils de vie que vous pouvez, que vous pouvez suivre ou ne pas suivre, c'est comme vous voulez. Nous, on ne vous donne que des conseils et on commence avec. Peut-être as-tu entendu parler dans les derniers jours, dans les dernières semaines, de cette controverse par rapport à iOS de Apple où les gens pouvaient chercher le mot brassière et ils se retrouvaient avec des photos d'eux-mêmes qu'ils avaient pris, mais qui sont des femmes, évidemment. Mais en tout cas, les personnes qui ont dit ça, qui sont nues sur leur pellicule photo. Ah, t'as non! Vu ça? Parce que, bon, il y a un système d'intelligence artificielle derrière tout ça. ça, la gestion des photos. Tu peux taper chien, tu peux taper chat, pudding, n'importe quoi, ça va trouver des photos qui ont ça parce que ça a réussi à trouver les sujets de tes photos. Donc, entre autres, ben, la nudité parce qu'il y a une brassière sur ta photo. Et ben, dans le même genre, il y a Nude. C'est une application qui va détecter et protéger vos photos sales. Oh boy! Tu sais, on est des fois dans des situations comme ça où, bon, tu prêtes ton téléphone à ton ami, puis là, ben, Colin, il voit tes photos que tu voulais pas qu'il voit, hein? Mm-hmm. Donc, Nude, c'est une application pour iPhone qui va automatiquement scanner votre bibliothèque de photos avec de l'intelligence artificielle pour apprendre à détecter les parties qui sont un petit peu plus coquines. Et une fois qu'on les trouve, ça va les cacher dans une bibliothèque protégée par mot de passe dans l'application Nude elle-même. L'application va ensuite effacer les originaux de votre bibliothèque et de iCloud. Donc, ça va être seulement dans l'application Nude, mais on nous dit que ça ne passera pas par les serveurs de Nude. À la place, on utilise un système de reconnaissance d'image sur l'appareil votre appareil iPhone. Donc, ça utilise la même intelligence artificielle que Apple, j'imagine, vu que ça passe par l'appareil. Oui, j'imagine, probablement. Ce que ça veut dire. Bref, ça coûte 99 cents par mois. L'application est disponible en ce moment. C'est gratuit à télécharger, mais c'est ça. Donc, 1$ par mois si vous voulez montrer vos photos de vacances aux autres sans avoir à vous en faire pour qu'elles voient vos petites parties. Ensuite, celui-là, on est un petit peu en retard, mais quand même, il y en a qui ont encore besoin d'ambiance d'Halloween. On est rendu 6 novembre, il y en a qui ont peut-être encore des parties d'Halloween. Ça se peut, j'imagine. Je sais qu'on fait tard. Ça commence à être tard. Oui, ouais, quand même. Hein, mais au moins, au pire, garde-le dans tes signets pour l'année prochaine, peut-être, Tania. Oui, pas pire. Tania. Je m'en sur un autre mot, puis j'ai dit Tania, fait que je voulais pas. Là. Bref, ça s'appelle. Ouais, merci. Ça s'appelle Halloween Soundboard, un site web pour faire votre propre musique d'Halloween. Ça ressemble un petit peu à des sites que j'ai mentionnés par le passé pour bien travailler. Noisely, entre autres, que j'utilise, j'en parle souvent, où tu peux mettre bon, des éclairs, de la pluie, une ambiance de café pour mieux travailler dans tes écouteurs. C'est le même principe, mais avec des sons d'Halloween. Donc, tu peux choisir comme arrière-plan une grosse tempête, des égouts, un laboratoire. Des affaires comme ça. Tu peux jouer des instruments par-dessus, accordéon, mandoline, guitare, saxophone. Tu peux, si tu veux faire pour une ambiance Halloween, accélérer ou décélérer la vitesse de la musique ou encore le volume ou leur son. Ouais. Et puis peut-être mettre du reverb dedans. Ooh. Des trucs comme ça. Et puis tu peux ajouter des sons comme des insectes, je sais pas, une torche, une scie à chaîne, des cris. Tout ça sur halloweensoundboard.com si vous voulez expérimenter avec ça, c'est quand même le fun. Ensuite, tiens, on va revenir un petit peu sur la controverse du moi aussi, Me Too, Harvey Weinstein, Eric Salvage, Hubert Lozon, etc. Dans une petite thématique où on essaie de parler contre les prédateurs au travail selon un psychologue organisationnel. Je parle pas contre, je fais juste le frapper. Ah oui, bon, ben tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça, mais tu peux aussi, si je tu veux. Je parle pas contre, je fais juste lui dire. Oui, ben c'est une façon de faire, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, ouais. Tania. Ça, c'est peut-être, ouais, c'est ouais, peut-être pas raison, tout le monde. Ouais. Bref, chaque compagnie, des fois, peut avoir des harceleurs sexuels, et leur identité, des fois, ben, va rester secrète, mais des fois, non. Et des fois, les gens vont savoir, des fois, les gens vont parler, mais ça va être difficile de faire quelque chose, se lever debout et aller en parler au patron, par exemple. Donc, c'est la psychologue organisationnelle Leanne Davy, oui, qui a écrit sur Quartz, que c'est de plus en plus clair que rester passif dans ces événements-là, ces situations-là, ça va seulement aider le cycle de l'abus. Donc, si vous entendez des rumeurs et que vous voulez faire quelque chose pour aider, voici donc quelques petites choses à retenir. Commençons par prendre les rumeurs sérieusement. Donc, on nous dit de pratiquer cette réplique. Je cite, « Ces allégations sont sérieuses, je ne peux pas ignorer ce commentaire. » D'accord. Si la personne a entendu ça de deuxième main, comme on l'appelle, demandez si vous pouvez être connecté avec cette victime-là pour lui parler directement. Et si c'est cette personne-là qui a vécu ce comportement-là elle-même, il faut être clair par rapport au fait que tu peux garder cette histoire, que tu peux pas garder cette histoire-là confidentielle, étant donné que maintenant que tu sais, il faut que tu fasses quelque chose. Mm-hmm. Bon. Ensuite, soutenir la personne. Évidemment, peut-être que tu peux les aider à amener ça aux ressources humaines, peut-être appeler la police, peut-être que tu peux connecter avec d'autres personnes dans l'organisation qui ont vécu le même genre de choses. Donc, pour au moins être là pour la personne, l'écouter et les croire. Et ensuite, bien évidemment, rapporter ces faits-là à quelqu'un. Donc, si la victime ne peut pas le faire ou si ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, on peut en parler aux ressources humaines de façon anonyme si nécessaire. Et si les ressources humaines n'agissent pas, Davy nous recommande de dire à quelqu'un qui est en position de pouvoir dans votre organisation, donc leur dire à cette personne-là en pouvoir qu'il y a un problème avec les ressources humaines. Oui. Et dans ce temps-là, il va pas y avoir un processus pour régler le problème. Donc, si on a un environnement de travail où tout le monde agit comme ça, ben ça va peut-être changer la culture dans notre monde. Oui, tout à fait. Justement, tiens, un autre dans la même thématique, mm-hmm. Comment ne pas élever son fils ou sa fille, en tout cas peu importe, pour que cette personne-là ne finisse pas comme Harvey Weinstein. Ou comme oui, d'autres. Ben oui, clairement. Bon. Donc évidemment, on a tous été mis au courant de Harvey Weinstein, sinon il y avait Bill Cosby aux États-Unis aussi, même mm-hmm. un certain Donald Trump. Oui, à un certain moment, hein, ouais. On entend dire, donc c'est quand même assez commun depuis quelques temps. Et bien, il y a Mayim Bialik, qui est une actrice de Big Bang Theory, qui était aussi Petite Fleur Blossom à l'époque dans une sitcom. Elle a écrit un texte sur le site Grok Nation, et puis elle a été encouragée par ses amis d'écrire un texte là-dessus. Donc, elle avait quelques commentaires à dire en disant comment ne pas élever ses enfants pour devenir comme ça. Dans le mm-hmm. fond, on se comprend là-dessus. Donc, pour commencer, d'enseigner le consentement très, très tôt. En effet. Donc, Bialik dit à ses fils que tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un si cette personne ne veut pas être touchée. Donc, c'est la même chose pour tes amis, copains, copines, voisins, même la famille. Et si tu ne veux pas être touché même par ta propre mère, tu as le droit de ne pas le faire. Tu as le droit de mm-hmm. le dire. Donc, quand tu es capable, évidemment, de le dire. Ensuite, toujours selon un même Bialik, s'assurer que les enfants comprennent qu'ils sont responsables pour ce qu'ils font. Donc, si t'es à un endroit et qu'il se passe quelque chose de mal autour de toi, tu dois partir et en parler. Bon. Et ensuite, dire aux enfants de porter attention à ceux qui n'ont pas été respectés dans l'histoire. Donc, ça inclut les femmes, les personnes de d'autres communautés ethniques, membres de la communauté LGBTQ+, et ceux qui sont dans différents statuts socio-économiques. Donc, on dit que ce sont les groupes qui sont les plus affectés par ce qu'on appelle le patriarcat. Voilà. Oui. Donc, on peut pas soi-même changer les choses, mais on peut au moins aider en enseignant ça à nos enfants. C'est ce que Mayim Bialik, l'actrice de Big Bang Theory, nous suggère. Ensuite, dans le même domaine, c'est des petites vidéos qui montrent aux enfants qu'est-ce que le consentement, mais d'une façon appropriée pour leur âge. Tu as sûrement, bon, tout le monde a déjà vu la vidéo du thé avec la narration de Chad Sarr en français. Donc, le consentement, c'est pas quelque chose de super compliqué, mais selon une étude du National Sexual Violence Resource Center, il y a encore beaucoup de confusion par rapport à ce qui compte comme de la violence sexuelle. Évidemment, dans le cas de Harvey Weinstein, c'est clair. Donc, pour les parents, les conversations sur le consentement ne devraient pas, n'ont pas à commencer, oui, alors que vos enfants arrivent à l'adolescence, ça pourrait commencer bien avant. Hein? Donc, ces discussions-là pourraient commencer vraiment au début, comme par exemple lorsque leur grand-père leur dit « Donne-moi un bisou et je vais te donner un suçon ». Ça peut commencer directement là, quand ça arrive. Comme ça, tu peux après ça dire à tes enfants « Ok, c'est correct, c'est ton grand-père, mais si quelqu'un d'autre le fait, c'est pas correct ». Tu peux même dire que c'est pas correct pour le grand-père. Là. Rendu là, vous faites ce que vous voulez dans votre famille. Mais ça peut commencer les discussions à ce moment-là quand même. Ça peut être utilisé comme prétexte, dit cet article-là. Donc, on parle dans les vidéos ici sur assemblagerequis.com, une vidéo de Blue Seed Studios qui nous montre ça de façon école, pas de façon école primaire, mais un peu comme on l'entendrait éducatif, c'est ça, parfait pour cet âge-là. Donc, ça parle du fait que c'est votre corps et que vous pouvez décider qu'est-ce que vous faites avec. Et là, on passe après ça à la préadolescence et à l'adolescence. Donc, allez voir les liens si ça vous intéresse. Et après ça, vous graduez à la vidéo du thé. Mm-hmm. Vous êtes rendu à la fin. Ensuite de ça, tiens, on va y aller avec un autre sujet complètement. Si vous n'aimez pas un collègue de travail, ça arrive, des fois on n'aime pas un collègue de travail. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On lui dit, ok, Tania, la solution est toujours, on y va puis on lui pète la gueule. Non, j'ai pas dit on lui pète la gueule, j'ai dit on lui dit. Qu'est-ce que tu lui dirais, mettons? Là, on y va avec une situation fictive, il y a un collègue que t'aimes pas ou qui te gosse un petit peu, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, tu me gosses. C'est vrai qu'on dit ça pas mal souvent. Ben, tu sais, il y a pas d'autre façon de dire à quelqu'un qui tape ses nerfs à moins de dire « tu me tapes ses nerfs ». Et c'est pas méchant. Non, c'est ça. Il faut aussi comprendre la différence entre la méchanceté et l'honnêteté. Je sais que l'honnêteté peut blesser, mais ça veut pas nécessairement dire que je te le dis dans l'optique de te blesser. Tout à fait. Les choses sont souvent noires et blanches dans la vie, mais nous, on a des zones grises des fois et on peut dire « gars, tu me gosses, pas toi la personne. » Genre, toi, ce que tu fais là. Présentement. C'est ça. Prends-le pas personnel, mais présentement, tu me gosses. C'est ça. Mais on peut peut-être y aller aussi à la place de dire que la personne nous gosse, c'est ça, en disant que ce que tu es en train de faire me dérange. Oui, aussi. Ou juste ta personnalité me dérange. C'est ça, ouais. Donc... Mais non, mais il y en a comme ça, il faut le dire, là. Oui. Tu peux pas aimer tout le monde, arrêtez, c'est faux, c'est pas vrai, là, on peut pas faire ça. Tout à fait, et de faire semblant que t'aimes tout le monde, c'est pas correct. Ben c'est pire. Je suis tout à fait d'accord. Hein, après ça, t'es pris avec la personne. Il faut choisir avec qui tu veux te tenir. Moi, tu fais comme plein de haine tout d'un coup. Ben un peu, mais je vais tempérer tes propos en disant que, tu sais, si t'es pas... La fille amateur... On aime pas les gens qui s'imposent. Mais c'est pas une question d'imposer, c'est une question que il y a des types de personnalités qui ne fitent pas avec d'autres types de personnalités. Il faut que les deux soient d'accord pour être amis. Oui, exactement. Ça peut pas être juste une personne qui décide « je veux être ami avec toi » puis soudainement... Puis t'as pas le choix. « Hey, ça. Wow, minute, je comprends que tu veux être mon ami, mais ça ne tente pas d'être la tienne. » Ça s'appelle ou ça ne tente consentement. Pas d'être la tienne. C'est ça. Consentement. Consentement à l'amitié, point. C'est exact. Tu sais? Je suis tellement d'accord. Il y a des gens aussi dans des endroits publics, tu sais, tu dis des fois « à sa face me revient pas ». Ouais. Juste parce que les personnes dégagent quand même quelque chose et par la personnalité que ces gens-là dégagent, parfois, ça peut ne pas venir rejoindre tes propres valeurs. Tu sais que ça ne fit pas avec toi. C'est ça. T'as le droit. Ben, j'ai pas besoin de te parler pour autant. C'est ça. Pas besoin de parler pour le savoir. Ben, tu sais, je peux être dans la même pièce. Oui. Je peux être capable de te regarder de loin. Mais viens pas me voir. Ça me tente pas. Ça te tente-tu vraiment de te le faire dire? On a juste une vie à vivre. On peut choisir avec qui on... Hey, reste dans ton coin. C'est ça. Prends ton trou. C'est ça, exactement. Bon. Bref. Sur ce, que vous passez votre journée dans une classe ou dans un cubicule ou une aire ouverte ou peu importe, il faut savoir dire donc comment. Il faut dire aux gens qu'on n'aime pas, aux intimidateurs, à ceux qui parlent des rumeurs à notre sujet, ceux qui créent des tensions au bureau, il faut leur dire comment aller se cacher, tu comprends? Mais oui, c'est ça. Donc certains collègues de travail, des fois, peuvent être intimidateurs, peuvent faire de la micro-gestion, même s'ils sont pas techniquement au-dessus de toi, des trucs comme ça. Donc d'autres pourraient ne pas être d'accord avec toi sur comment la compagnie devrait fonctionner. Donc à la place de se battre contre ces personnes-là, surtout lorsqu'on peut pas ou lorsqu'on veut pas démissionner, on peut avoir quelques stratégies qui sont listées dans un petit tableau sur assemblagerequis.com, créé par NetCredit, donc c'est une agence de prêt d'argent, peu importe. C'était vu par le site Entrepreneur. Donc, le diagramme nous montre comment faire entendre son avis, comment créer un petit peu de dialogue et comment garder ton sang-froid lorsqu'il y a un conflit au bureau. Donc, des stratégies de communication, de langage verbal, de langage même de mouvement, langage visuel, si on veut. Donc, plein de façons de faire. Pour commencer, d'installer quelques règles sur comment vous voulez être traité. Donc, les chercheurs nous apprennent qu'entre 60 et 80 % des difficultés au travail sont causées par des relations qui vont mal. Donc, on dit de prendre le contrôle en mettant des frontières, des barrières sur les interactions que tu ne veux pas tolérer au bureau. Donc, truc ici, par exemple, je veux pas qu'on parle contre moi devant d'autres gens. Donc, tu peux dire à quelqu'un, tu sais, j'aimerais mieux qu'on parle pas contre moi en public, parce que ça vient un petit peu nuire à mon autorité ou quelque chose comme ça. Bon, ça pourrait... Moi, je serais jamais capable de dire ça à quelqu'un, mais c'est parce qu'assume tes torts. Aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais des fois, quelqu'un va venir te blâmer pour quelque chose qui, dans le fond, est un problème pour lui, mais pas pour toi. Parce que toi, tu trouves que cette façon-là est la meilleure façon. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que tu lui fasses comprendre que c'est lui le problème, pas toi. C'est ça. On a beau pas être d'accord... Mais c'est les ça. Deux opinions sont valides. Exactement. Et valables, je suis d'accord. Donc, bref, ça c'est la règle. Et on pourrait dire quelque chose comme « j'aimerais discuter de ça en privé, donc est-ce qu'on peut aller parler seul, toi et moi, de ça? Bon. » Ensuite, on dit qu'on doit, on doit essayer de se mettre à la place de l'autre. Les humains vont généralement l'écouter avec un taux de compréhension de 25 %. Donc souvent, ça va prendre plus d'efforts pour vraiment entendre les problèmes que quelqu'un t'amène. Ah, l'empathie. L'empathie, absolument. Donc on nous donne quelques règles. Par exemple, maintenir le contact visuel, copier un petit peu son langage corporel, clarifier si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas et faire de la... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Paraphraser. Mm-hmm. En français, ça se dit pas vraiment, je pense. Mais je pense que ça se dit paraphraser un on peu. On va dire donc expliquer d'une autre façon avec d'autres mots. Reformuler. Reformuler, c'est ça, ce que la personne a dit pour essayer de mieux comprendre et dépasser le 25% de compréhension. Mais en même temps, ça te tente-tu vraiment d'entendre les problèmes de tout le monde? Absolument pas, mais là on parle de problèmes au travail. J'espère qu'on parle pas de problèmes personnels. Okay, j'espère. Ok. C'est ce que je pense. Merveilleux. J'imagine. Ensuite, on nous dit de faire un petit peu la cassette brisée. Ou ouais. le vinyle qui skip, quelque chose comme ça. Donc, être ignoré peut être frustrant. Donc, la répétition peut être un bon outil. Truc de pro, nous dit-on ici, lorsque tu sais que tu es en train de dire quelque chose qui est très important, répète-le deux fois. Donc, en tout, ça fait trois fois. Après la deuxième fois, tu demandes à l'autre personne s'ils peuvent te répéter ce que tu viens de dire pour t'assurer qu'ils ont bien compris. Ça devient lourd, je l'avoue. Je suis tout à fait d'accord avec ta face en ce moment. Aïe, aïe. Mais t'es pas obligé de le faire comme genre, OK, ce que je viens de dire, je le répète. Puis une dernière fois, je répète. Non, mais tu peux aussi demander, hey, tu comprends? Est-ce que c'était clair? Fais juste dire, ouais, c'est clair ce que je viens de dire? Ouais, puis là, ben. Tu sais, t'es pas obligé de répéter. Non, mais tu peux répéter dans d'autres mots, plus tard dans la conversation, et quand tu demandes à la personne de te redire ce que tu viens de dire, tu dis pas comme ça, tu dis pas genre, est-ce que tu peux me répéter ce que t'es-tu je viens de te dire d'accord? Pour être sûr? Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ce serait le genre... Comment est-ce que tu le ferais, toi? Est-ce que tu trouves que cette formule-là est bonne? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Puis là, ben, la personne va te répéter ce que tu viens de dire. Puis ça va peut-être mieux marcher. Ensuite, on nous dit de rester calme. Oui, 90% des professionnels qui performent le mieux au travail disent être bons pour gérer leurs émotions lorsqu'il y a du stress, donc pour avoir l'air professionnel et pour régler des problèmes. Lorsqu'on est dans une situation difficile, on nous dit de prendre un moment pour respirer profondément pour vous aider à rester calme. Et si vous avez besoin d'un moment, vous pouvez vous excuser, aller aux toilettes pour vous calmer. Ça? Oui, ben pas obligé. Ces moments-là, là. Tu sais, aller pour te calmer. Que tu vas à la salle de bain et tu respires par le nez. C'est ça. Ça sent mauvais. ensuite, changer votre langage corporel. Les études nous apprennent que les gens qui utilisent un langage corporel positif sont plus aimables et ont plus de persuasion. Donc, lorsqu'on est dans une conversation qui va mal avec un collègue, on suggère d'aller se promener ou juste prendre un café pour changer le langage corporel que t'as et le sien en plus pour amener ça du côté plus positif. Ensuite. Moi, c'est sûr que les gens le savent quand je les aime pas automatiquement. C'est comme un automatisme, mes bras se croisent. Ah, bon. Bon, on se cache pas vraiment tous les deux, je pense. Non, j'ai honnêtement, c'est très, très rare que je vais me cacher là-dessus. Ouais, moi aussi. Ensuite, créer un dialogue à double sens et non pas à sens unique. Donc, c'est le psychologue Daniel Goleman qui nous suggère que des menaces à l'estime personnelle d'une personne aux yeux des autres peut littéralement avoir ça peut donner l'impression que tu es menacé toi-même. Donc, créer un dialogue sur le sujet. Donc, par exemple, du commentaire constructif. Donc, voici mon interprétation de ce qui vient d'avoir lieu. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu penses que c'est correct? Ou est-ce qu'il me manque un facteur là-dedans? Mais c'est moi où tout ça, là, c'est comme énuméré quand tu prends les choses personnelles. Oui, c'est vrai. Mais déjà, à la base, prends pas les choses personnelles, tu devrais bien t'en sortir. Ça pourrait être le numéro un de ces conseils-là. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, accepter le changement positif. Donc, focusser sur le positif peut aider les collègues à aller mieux au bureau. Donc, un sondage de Gallup nous apprend que 67% des employés, dont les gestionnaires ou les personnes au-dessus, focussaient sur leur qualité à ces employés-là, étaient plus du genre à mieux travailler. Donc, quand tu remarques que quelqu'un prend une nouvelle approche sur quelque chose basée sur une nouvelle règle que tu as instaurée ou sur tes commentaires, tu devrais leur dire que tu apprécies le fait que ton commentaire a eu un impact sur leur comportement. Ensuite, gérer les attentes. Les chercheurs nous disent que une des causes de conflits au travail les plus fréquentes, en fait, c'est un manque de clarté dans les explications, ce qui cause de la frustration. Et les gens gardent ça pour eux, puis à un moment donné, ça finit par sortir. Donc, on devrait demander, nous dit-on, quelles sont les attentes de la personne qui te demande de faire quelque chose. Ensuite, partager tes attentes que tu as envers cette personne-là. Ensuite, accepter et clarifier ce sur quoi vous vous engagez, tout le monde. Mm-hmm. Ensuite, écrire. Là, ça commence à être lourd. Écrire. Oui, à l'écrit, quel est l'engagement entre les deux personnes et ensuite utiliser le document comme guide de référence pour vous aider à gérer de futures frustrations. D'accord. Ouais. Ensuite, on nous dit de choisir nos combats. Donc, être en dispute avec un collègue, ça peut être épuisant. Et une étude de Finlande nous apprend que ça peut avoir un effet négatif même sur ceux qui regardent. Donc, même si t'es pas dans la chicane toi-même, les autres qui ont à être témoins de la chicane entre deux autres collègues, ça peut les affecter de façon négative. Donc, il faut prioriser les... Je vois ta face à chaque fois. T'as pas l'air sûr. Non! Ça te stresse pas quand d'autres gens chicanent autour de toi? Pas tout! Ça me touche zéro! J'avoue que moi non plus, pas tant. Hey, je suis désolée, là, mais s'il fallait que je m'en fasse avec vos problèmes, ça finirait plus. On est vraiment trop pareil là-dessus. Je suis désolée, là, mais j'ai vraiment l'air non empathique, là, mais c'est... Ouais, on a tous un petit côté non empathique. Je pense qu'il y a des choses dans la vie. Tu sais, tu choisis tes combats, là. C'est ça. Fais le tien, va faire le mien. That's it. Oh boy. On va continuer avec d'autres choses. Est-ce que t'as vu... on change de sujet. Quelque chose d'un petit peu plus léger. Est-ce que t'as déjà... Premièrement, t'es déjà allé aux États-Unis. Oui. Est-ce que t'as déjà vu les petites télés dans les stations de service? Oui. Est-ce que t'as déjà utilisé ça? Est-ce que t'as déjà regardé ce qu'il y avait à la télé? Ben, je t'ai inquiet. Est-ce que t'as regardé activement la télé, je parle? Activement, ça veut dire... j'ai regardé le temps que je pompe. Porter attention, mettons. Moins pas tant. Non? Donc, tu pourrais pas me dire ça parlait de quoi? Ou... C'était des publicités, en fait. Ah, c'est plate! Ouais, je suis comme arrivée du contenu. Au temps de la pub. Ben, c'était de nuit, fait que... Ouais, c'est ça. Donc, bref, il y a des stations-service. Peut-être même que ça va venir. Ou peut-être que c'est déjà arrivé. J'ai pas d'auto au Canada, au Québec. Mais si vous allez en voyage aux États-Unis, sinon... Il y a des télés qui sont incluses dans les pompes à essence. Et des fois, le bulletin nouvelle ou les nouvelles sportives vont être diffusées à plein volume. Hein? Okay. Donc, est-ce que tu savais que tu peux éteindre le son? Mm-hmm. C'est pas écrit sur les boutons. Il n'y a pas de bouton mute là-dessus. Mais bref, c'est un Redditor, donc un éditeur sur reddit.com, Biohazard, qui rajoute qu'un des boutons du côté droit va faire mute, en fait. Pour Biohazard, c'était le deuxième bouton à droite. Ça dépend de la compagnie. Donc, tu as juste appuyé sur des boutons qui sont du côté droit. de la pompe à essence et ça devrait arrêter le volume si vous êtes dans une station-service qui joue de la musique poche ou des émissions de télépoche. Il y a un bouton mute. T'sais, c'est ça, il y a comme 8 boutons autour de l'écran, mais il n'y en a pas un seul qui a une indication. C'est pourquoi? Ben, c'est pour que les employés de la station-service puissent se servir des boutons sans que les gens commencent à toucher. Ah, ben oui, évidemment. Évidemment. Ensuite, t'as sûrement déjà entendu parler de la règle des 10 000 heures. Avant d'apprendre quelque chose, avant d'être vraiment un maître de quelque chose. Je dirais que non, j'ai pas appris ça. Non, mais c'est la pratique, on appelle ça smart practice, la pratique intelligente. Donc, c'est d'être, c'est de passer 10 000 heures à faire quelque chose avant d'avoir assez d'expérience pour pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre. Apparemment, c'est un mythe, nous disons. OK. Donc, son nom, apparemment, le gars qui a inventé cette règle-là s'appelle Erickson, basé en Floride. On dit que pour avoir... Attends un petit peu. Ouais, ils disent que même les chanteurs professionnels ont un coach et pour s'améliorer et t'as pas besoin d'avoir 10 000 heures d'apprentissage pour connaître quelque chose, ça peut être avant ça. C'est ce que j'en comprends. Donc, c'est ça. Le chercheur, c'est ça. Hey, c'est vraiment mon pire article jusqu'à maintenant. C'est un professeur de psychologie à la Florida State University qui nous raconte ça. Il y a rien de remarquable une fois que t'arrives à 10 000 heures. C'est pas comme si après 10 000 heures, t'allais par magie devenir un expert. C'est juste un chiffre accrocheur que Gladwell a choisi parce que c'était accrocheur. Donc, certaines habiletés prennent beaucoup moins de temps pour être perfectionnées, que ce soit la mémoire ou un instrument de musique. Alors, on nous dit donc que c'est un chiffre qu'on a un petit peu déterminé au hasard et qu'on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à 10 000. Ensuite, allons-y avec quelque chose de moins compliqué, tiens, pourquoi pas. Allons-y avec des rappels qui sont basés sur l'endroit où vous êtes situé pour briser de mauvaises habitudes. Donc, des fois, on se met une alarme pour pas oublier quelque chose. J'ai déjà parlé d'application pour pas oublier son manteau, sa sacoche, peu importe. Ou sinon, tu peux avoir une alarme qui va te dire, bon, une fois arrivé au magasin, achète telle affaire. On sait que ça existe, ces affaires-là. Donc, on va s'installer ici des rappels sur votre téléphone pour se rappeler de ne pas retomber dans de mauvaises habitudes. Donc, si par exemple, tu arrives dans un bar qui est ton bar préféré, tu pourrais recevoir un rappel pour te dire de retourner chez toi. Hein? OK. Bon. Ça pourrait être un rappel quand tu passes devant un restaurant cher pour te dire de ne pas aller manger dans ce restaurant cher-là. Donc, pour défaire de mauvaises habitudes, ça pourrait être un conseil de te mettre une arme à l'endroit où tu devrais pas aller. Mm-hmm. Bon, ça vient d'un podcast qui s'appelle Super Sentai Brothers. Son téléphone le rappelle à chaque fois qu'il revient à la maison. Donc, à chaque fois qu'il est sur le chemin du retour, ça lui dit, sur un rappel, de ne pas passer par la pâtisserie chercher un petit gâteau. Parce que ça gâchait sa diète. D'accord. Tu comprends? Oui. Ça pourrait être, disons, une alarme à la SEQ pour te dire, achète quelque chose sans alcool. Ça pourrait être quelque chose. Oui, pas fou. Ensuite, là, on va y aller lourd un petit peu. Savais-tu que probablement que tu savais, je pense que c'est quelque chose que bien les gens savent, mais que les gens qui sont en train de mourir peuvent t'entendre? Hein? Un peu comme les gens qui sont dans le coma, on dit que des fois ils peuvent t'entendre. Ouais. Donc, quand tu visites quelqu'un qui est sur son lit de mort, tu devrais pas penser juste parce que la personne a l'air morte que la personne est inconsciente. Ils peuvent probablement entendre tout ce qui se passe dans la pièce. Mais voyons donc. C'est ce qu'on dit dans cet article-là. Donc, le corps est en train de s'éteindre. Ouais. Mais il n'est pas totalement éteint. Le corps ne peut pas boire, ne peut pas manger, ils sont fatigués, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas voir. Mais apparemment, que le sens de l'audition de Louis reste plus longtemps que d'autres. Donc, c'est une infirmière à la retraite qui a contacté Lifehacker pour lui rappeler que c'est important que les gens sachent que lorsqu'une personne est en train de mourir, l'audition fonctionne encore. Donc, on fait attention à ce qu'on dit et on essaie de faire que ces mots-là soient importants avant que la personne nous quitte. Ah, OK. C'est ce qu'on dit. Donc, ça a l'air bizarre, mais les traiter comme s'ils étaient éveillés. On peut même leur parler normalement et ne pas être morbide ou déprimant autour d'eux. Et voilà. Et faire attention à ce qu'on joue à la télé aussi. Voilà. Ben oui, clairement. Ah, ensuite, tiens, si t'as... est-ce que t'as un vieux iPhone, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par vieux? Quelle génération d'iPhone, toi? 5. Un 5? S. 5S, OK, c'est moins pire, 5S. Ouais. Parce que là, après, t'as eu le 6, le 6S, le 7 et le 8. Ouais, mais tu sais, je mets pas le même budget que toi sur mon téléphone cellulaire. Non, je sais, je suis un petit peu fou comme ça, mais bon, gars, les gens me jugeront. Hein, c'est ça. Même si j'ai un nouveau téléphone, c'est pas grave. Correct. Je suis capable d'en prendre, tu sais. Mais oui, 5S. Ouais. C'est ça, 5S. Bref, il y a une nouvelle façon de redémarrer votre téléphone si vous avez un iPhone plus récent, si vous avez un iPhone 8 ou plus, 8, 8 plus et 10. Donc, Apple qui laisse le bouton d'accueil derrière lui, comme on sait dans le prochain iPhone, dans le iPhone 10 là, qui vient de sortir. Bref, le iPhone 7 a remplacé le bouton physique avec un bouton touchpad avec un feedback haptique, donc la petite vibration dans ton bouton, fait que ça ressemble pas mal à un bouton. En fait, j'étais surpris de voir que je trouvais pas ça si pire que ça, le bouton haptique. Ah ouais? Ouais, toi, t'as un vrai bouton physique qui s'enclenche. Mais sur mon iPhone 7 et 8, j'avais un bouton comme ça haptique et t'as vraiment l'impression que c'est un vrai bouton. Ah ouais, ça okay. m'a surpris quand même. Bref. Je sais pas si j'aimerais ça. Ben, au début, j'étais pas sûr non plus. Ouais. Je me demande si je vais m'en ennuyer du bouton d'accueil complètement quand je vais passer à un autre téléphone qui n'a pas le bouton dessus. Probablement. Bref, laisse tomber le bouton d'accueil. Ça veut aussi dire qu'il faut trouver une nouvelle façon pour redémarrer votre téléphone, hein, vu que l'ancienne méthode ne fonctionne plus. Donc, voici comment rebooter votre nouveau iPhone 8 ou plus s'il arrête de fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on fait? En fait, le guide pour manuellement rebooter votre téléphone mérite une vidéo sur Internet. Donc, je vais vous l'expliquer quand même à l'oral. Il faut rapidement appuyer et relâcher le bouton volume par en haut. Et ensuite, faire la même chose avec le volume par en bas. Et finalement, tenir le bouton du côté qu'on appelait avant le bouton sleep-wake. Là. Ben là, c'est maintenant le bouton de côté pour forcer le redémarrage. Donc, volume haut et on lâche, volume bas et on lâche et on tient le bouton du côté. Ben, franchement... Ouais, je sais. Moi aussi, ça m'énerve énormément. Mais bon, bref, ça devrait prendre à peu près 10 secondes. Et si vous avez réussi, l'écran va devenir noir et le logo d'Apple va apparaître à l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait si le Force Restart ne fonctionne pas? Ah ben là, il faut passer par le mode Recovery en branchant avec votre fil Lightning. Et ça, je vous laisse les instructions dans la... C'est bien compliqué. C'est trop compliqué pour rien, je sais. C'est vraiment compliqué pour rien. Mais là. Sur l'iPhone 10, il n'y a pas de bouton d'accueil. Là, le bouton de côté, qui est un petit peu plus large qu'avant, sert... Il se retrouve à être à la droite, finalement, c'est à ça? À la droite, parce qu'on okay. l'appelle le bouton de côté, mais on s'entend qu'il y en a de l'autre oui, côté. Oui, c'est ça, exact. Mais bon, il l'appelle comme ça. Donc, le gros bouton, si tu cliques deux fois dessus, ça part Apple Pay. Okay. Si tu tiens le bouton, ça appelle Siri. Hey donc, on parle des deux affaires qui étaient faites par le bouton d'accueil avant. Ouais, pour prendre ça. Une capture d'écran, je crois que c'est volume par en bas et bouton de côté, ou volume par en haut et côté. Mais franchement... un des deux. Et si tu veux l'éteindre, c'est l'autre bouton de volume et tenir le bouton d'accueil. Est-ce qu'en théorie, c'est censé rendre la chose beaucoup plus facile? Ben, peut-être un peu pour certains. Est-ce que c'était ça, à la base, leur idée? Ben, à la base, l'idée, c'est d'enlever le bouton d'accueil. Donc, d'avoir aucun bouton. Ben, parce que comme ça, l'écran est sur le téléphone au complet. T'as seulement l'écran plus les petites oreilles en haut, là, mais t'as juste de l'écran. Et puis, pour retourner à l'accueil, tu glisses par en haut. Donc, le Control Center, avec tes options, c'est plus glisser par en haut, c'est glisser par en bas du côté droit de ton téléphone. Eh boy! Ouais, fait qu'il faut réapprendre à vivre un petit peu avec ça. Ouais, c'est ça. Mais bref, au moins maintenant, vous savez comment redémarrer votre iPhone 8 ou plus. En effet. Et on va terminer avec celui-là. Tiens, comment prendre une bonne vieille sieste en faisant la technique du marble drop, donc échapper une bille. Échapper une bille échapper pour mieux dormir. Bille. C'est exact. Donc, d'accord. Une courte sieste, c'est une très bonne façon de rafraîchir votre esprit en plein milieu de la journée. Ça vous donne un petit boost mental. Mais si vous voulez pas utiliser une alarme pour faire une super courte sieste, vous pouvez utiliser ce truc classique. Donc, c'est apparemment un professeur d'école secondaire qui a conté cette histoire-là. C'est Abraham Lincoln, apparemment, qui prenait des siestes dans une chaise berçante avec des billes dans sa main. Donc, lorsque son sommeil était assez profond, sa main se relaxait. Les billes tombaient par terre et ça le ramenait à l'éveil. Oh boy! Donc ça, c'est une rumeur, on sait pas, c'est peut-être un mythe. Ça dit que Lincoln faisait ça. D'autres figures historiques aussi apparemment faisaient ça, Albert Einstein et Aristote et Salvatore Dali. Lui, tu usais une clé et une assiette. Ah bon! Voilà, donc essayez ça si vous voulez. Oui! Pourquoi pas, on s'assoit. Donnez-nous-en des nouvelles, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, s'il vous plaît. On aimerait savoir comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on utilise de nos jours à la place d'une bille? Oui, qui a c'est une ça. Bille dans la vie? C'est quoi, tu mets ton fidget spinner sur ton doigt, puis s'il tombe? Je sais pas, hein, c'est ça, ça dépend. Je sais pas. Bon, voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. AssemblageRequis.com pour en savoir plus dans les notes de l'émission 11.50. J'ai aperçu un personnage quelconque qui va venir nous parler au retour. Oui. Assemblage requis. D'accord. OK, on dira pas c'est qui. À tout à l'heure. C'est un secret. Ouais, c'est ça. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce lundi matin.

La pièce Une tempête par Bleu Nuit, assemblage requis. Mm-hmm. On retourne à la chronique qu'on a commencé en début d'émission, donc Son Foutu Palmarès qui continue à l'instant. Et au début de l'émission, si vous n'étiez pas avec nous, on parlait de fêtes à célébrer au mois de novembre. Et finalement, il y a d'autres fêtes que j'ai pas mentionnées tantôt. On en a plus encore de fêtes à célébrer au mois de novembre. Bon, il y en a quelques-unes qui sont passées. On est quand même le premier lundi, qui ça donne à être le 6 novembre. Ben ouais. On a manqué le coupe, c'est sûr. Le 1er novembre, on a manqué la journée nationale de faire à manger pour ses animaux de compagnie. OK. National Cook for Your Pets Day. Simple comme ça. Deuxième jour de novembre, c'est la journée où on planifie qu'est-ce qui va être écrit sur sa pierre tombale. Donc, plan your epitaph day. Jamais trop tôt pour écrire ce qu'on veut sur sa pierre tombale. Mm-hmm. Le 3 novembre, c'est la journée du cliché. Oh, d'accord. Ben oui, donc on célèbre ça en faisant quelque chose de cliché. Je sais pas, comme un enfant dans un magasin de bonbons, comme on l'appelle. Ensuite, le 3 novembre, toujours, c'est la journée du sandwich. On a parlé un petit peu tantôt. Le 6, on a parlé tantôt de la journée du saxophone, mais on n'a pas parlé le 7 novembre de la journée de la destruction de la citrouille. Ça se trouve être demain mardi. Ouais. L'Halloween est passé, donc on détruit sa citrouille le 7 novembre. Ah, il y a façon de récupérer aussi la citrouille. Il y a façon de manger ta citrouille. Exactement. Et qu'on ne doit pas passer à côté de ça. Eh non. Ensuite, le 8 novembre, c'est la journée Abbott and Aid Punsters Day. Donc c'est la journée où on s'arrange pour créer de meilleurs jeux de mots. Ah. On polie notre jeu de mots. C'est super beau. Ensuite, le 8 novembre, la journée où on cuisine quelque chose de très puissant en termes d'odeur. Oh, OK. Donc, la journée où on passe du temps seul parce qu'on se cuisine quelque chose avec de l'ail ou des oignons, quelque chose comme ça. Ensuite, le 15 novembre, celui-là, c'est... on dirait qu'on n'en parle pas assez de ces sortes de gâteaux-là. C'est la National Bundt Day, donc le Bundt Cake. Tu sais, le gâteau qui est comme viré à l'envers, mm-hmm. avec un trou dans le milieu, comme un genre de gros beigne. Tu sais, qu'on fait dans un moule avec un trou dans l'air. Ouais. Bref, la journée du Bundt Cake. 17 novembre, on a déjà parlé tantôt de la journée où on enlève des amis sur Facebook. Ben oui, tout à fait. La journée du 18 novembre, elle, est la journée mariée à un scorpion. Ah, OK. Donc, soutien aux personnes mariées à un scorpion. Scorpion, t'es né en... Entre le 23 octobre et le 21 novembre. Ah, OK. Ouais. 19 novembre, c'est la journée Have a Bad Day Day. J'adore ça. La journée passée une mauvaise journée. Une célébration de... C'est pas une célébration de l'inévitable mauvaise journée, mais plutôt l'occasion pour ceux qui travaillent dans le service à la clientèle de briser leur habitude d'être tout le temps gentils avec c'est les ça. Gens et donc leur souhaiter une mauvaise journée aux gens au lieu d'une bonne journée. Pour prendre sa revanche. C'est le fun, ça. 20 novembre, c'est la journée nommer votre PC. Ah, OK. Si vous passez assez de temps ensemble, vous devriez donner un nom à votre ordinateur. Ouais. Le 23 novembre, c'est la journée de Fibonacci. Fibonacci, c'est une séquence de spirales créé par la nature, les rectangles dans l'architecture et les escaliers en spirale aussi. Donc voilà, c'est la journée de ça, une séquence. 24 novembre, c'est la journée où on célèbre notre talent unique. OK. Donc je sais pas, c'était bon en peinture ou quelque chose comme ça. Le 25 novembre, c'est la journée Shopping Reminder. Donc c'est un mois exactement avant Noël, le 25 novembre. Et c'est une fête qu'on célèbre pour aller acheter des affaires. On se rappelle d'aller magasiner. OK, oui. 27 novembre, est-ce qu'on a parlé tantôt de la journée nationale de la soie dentaire? 27 novembre, celui-là, on n'en a pas parlé, c'est la journée nationale du Sinky. Qu'est-ce que ça veut dire, Sinky? C'est ceux qui mangent au-dessus de leur lavabo dans la cuisine. Ah! Donc, quand tu manges des restants ou quelque chose que tu veux pas que l'autre, que ton partenaire voit, du gâteau, je sais pas, un bun cake, peut-être. Donc, tu manges au-dessus du lavabo. National Sinky Day. Ensuite, le 28 novembre, c'est la journée nationale de l'aura. Ah, OK. Ouais, donc ton côté une énergie lumineuse qui sort de ton corps, ouais, c'est ça. Comme on appelle. C'est ça. On célèbre l'aura. Ensuite, le 29 novembre, c'est la journée Electronics Greetings. Donc, un petit bonjour électronique. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé un courriel pour certains. Les gens s'écrivent sur Facebook de nos jours. Donc, économiser un petit peu d'argent sur des timbres en envoyant un texte ou un courriel. Un message électronique non sollicité pour contacter quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas contacté par ces façons-là. Le 30 novembre, c'est la journée Rester à la maison parce que tout va bien. Donc, ça, on en a parlé tantôt. C'était le 30 novembre. Donc, on a fait le tour dans deux calendriers différents d'événements qu'on peut célébrer pendant le mois de novembre. Et ça, ça nous a rempli un bon petit 5 minutes. Mm-hmm. Facile de même. On écoute une dernière pièce avant de se quitter. On s'en va entendre quelque chose qui est du côté anglophone parce qu'on aime ça varier une fois de temps en temps. Ah oui, on adore ça. Ok, oui. Et on s'écoute une petite pièce bien tranquille de J.D. McPherson, Crying's Just a Thing That You Do. Puis on se retrouve après ça pour se dire au revoir. Vous êtes à l'Assemblage Requis jusqu'à 10h. Just the thing that you do, D.D. McPherson. Eh, ça arrive. C'est merveilleux comme tune, ça. J'adore ça, moi. Super bon. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on se termine Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Anthony Morin pour son petit passage très court, mais bref, mais très bien lubrifié. Oui. On a fait beaucoup de préliminaires, qu'on disait avec cette chronique-là. Ça faisait longtemps qu'on la prévoyait. Merci à Alicia Lemieux, bien sûr, qui nous a parlé des co-responsabilités en début d'émission. Demain, nous avons une autre émission de prévue pour vous demain à 8h. Marc-Olivier Dumas va être là pour parler de sport. Ensuite, Dominique Notmabungu va être là à 8h30 pour parler d'Afrique. Et puis à 9h, on va déboulonner des mythes de la gauche dans Gauche Herbie Vue avec Jimmy Thibodeau. C'est demain entre 7h et 9h. Sur nos ondes, à midi, Tania et moi, on va être de retour. Ben oui, parce que c'est les palmarès, c'est fou. Maison avec l'édition Nouvelles Entrées. Ensuite, à 13h, Rock Classique avec Alain Lefebvre. Et puis, le Dr. Pendragon, bien sûr, à 20h, Rock de Neuron avec du rock progressif. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Alors, on va se quitter avec une pièce de Busty and the Bass. Hop, tap, parce qu'on aime vraiment, vraiment ça. Oh, qu'on adore. Ah, bon. Ah, et puis, on se retrouve demain dès 7h. Exactement. Bye tout le monde. Bye. Bon café. N'oubliez pas, c'est full sexe, là, ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient, restez là, restez là. Turn it up. I'll make it smooth. Yeah, if there's room for two, take a leap with you.